Pour l'instant, eh bien, on peut dire qu'on va se noyer dans une mer de données ouvertes avec Raymond Poirier, parce que Raymond, il y en a beaucoup, des données ouvertes. Oui, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, c'est une tendance quand même assez généralisée. Et pour la chronique TI de cette semaine, Tania, j'avais envie de nous amener un peu sur ce terrain, puisque tout récemment, fin février, les gouvernements du Québec, les gouvernements des villes de Québec, de Montréal, de Gatineau, de Sherbrooke, ont décidé d'adopter une licence commune d'utilisation autour des données ouvertes. Donc, un esprit de collaboration, évidemment, qui unissait tous ces organismes, tous ces administrations-là. L'idée est d'adopter et d'utiliser la version 4.0 de la licence qu'on appelle Creative Commons. On parle d'une version qui est reconnue comme l'une des moins restrictives quant aux droits d'utilisation des données ouvertes, qui protège également les droits d'auteur. Alors, on dit dans les communications gouvernementales officielles que, grâce à ça, ben, le Québec devrait faire figure de proue relativement aux licences utilisées un peu partout dans le monde. Et à ça, on dit également qu'on souhaite donc faciliter la conception d'applications universelles à travers une unité de format. On souligne évidemment les tâches, les travaux, les réalisations qui ont été faites. Notamment, on parle de 50 jeux de données qui sont disponibles à la Ville de Québec sur des sujets variés comme les grands événements, les bornes de stationnement, les réseaux cyclables. On souligne le fait que Gatineau, justement, s'est joint au mouvement de l'ouverture des données québécois, que Sherbrooke y est également. Donc, bref, qu'on rentre un peu dans cette tendance générale. Alors, c'est effectivement une bonne chose, c'est une bonne étape, et c'est une étape qui s'inscrit évidemment dans une mouvance mondiale, qui, même si on y va un peu avec une espèce de boule de cristal prédictive en fonction de certaines études, qui pourrait éventuellement rapporter gros. On estime que en Europe, du moins pour 2020, eh ben l'économie liée au big data, à l'open data, donc aux données massives, aux données ouvertes, pourrait représenter à peu près 206 milliards d'euros, donc facilement 250 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. C'est plus que les Jeux olympiques. Et à ça, évidemment, ben c'est aussi une tendance, je le disais, mondiale, c'est une tendance américaine. Il y a la ville de New York qui a un peu lancé le bal de, disons, la proactivité en lien avec les données ouvertes. On parlait d'à peu près quoi, 50 jeux de données disponibles à Québec. Et ben à New York, il y en a 1100. Donc, ce qui est quand même pas rien, il y a beaucoup d'informations qui sont rendues publiques par 60 agences municipales, éducation, transport et le reste. C'est 600 millions de rangées données, c'est 2,8 millions de consultations. C'est une loi aussi sur l'open data qui impose aux agences administratives de la ville plus de transparence et de responsabilité. C'est des événements pour amener justement aussi les organismes à non seulement rendre disponibles les données, mais aussi les mettre en valeur. Alors, c'est quand même assez détaillé. Évidemment, cela aussi appuyé par d'autres lois au niveau de l'État américain, de la Maison-Blanche, qui a aussi mis en place des ordonnances, des législations pour obliger aussi de rendre disponibles certains jeux de données. OK, donc ça devient vraiment illégal de pas le faire, finalement. Oui, en fait, on demande, dans la mesure du possible, de le faire. Alors, c'est quand même pas rien. Évidemment, ça force aussi, j'ai l'impression, de voir un peu où on en est présentement. Eh bien, ça nous force peut-être à regarder un peu en arrière pour voir quel est le chemin qui nous a amené là, parce que de plus en plus, je pense, même si on ne sait pas exactement c'est quoi les données ouvertes chez certains, ben tout le monde a entendu parler du terme au moins une fois. On voit les villes qui emboîtent le pas, les États, différents États. Alors, il faut dire que c'est un phénomène qui est quand même, bon, relativement éloigné et relativement récent, tout dépendant de la façon dont on calcule l'histoire. La première fois dont on a parlé réellement de données ouvertes, c'était en 95. Mais par contre, les données ouvertes telles qu'on les connaît, c'est venu quand même un peu plus tard. Peut-être distinction d'emblée, parce que je parlais de données massives, je parle de données ouvertes, on en parle un peu au fil des chroniques, donc quel est l'un, quel est l'autre? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les données massives, donc le big data, donc ça s'intéresse plus particulièrement aux potentialités offertes par l'exploitation d'un volume de données en croissance exponentielle. Donc c'est essentiellement, comme on le disait, tout ce qui est émis en données, donc comment on peut prendre cette immense tas de données-là et faire du sens avec ça. Les données ouvertes, on parle de partage des données, de mise à disposition des données, plus que d'un effet volume. Donc, c'est l'idée de l'État qui a des données disponibles existantes, ben, de les rendre disponibles dans un format qui est utilisable pour les citoyens, pour créer des applications et le reste. Alors ça, c'est un peu la distinction. Alors, on parlait de 95, en fait. C'est un document d'une agence scientifique américaine qui parlait d'ouverture de données géophysiques et environnementales. Et c'est un peu, en fait, initialement venu de la tendance qui remonte quand même assez loin, là, même autour de la Deuxième Guerre mondiale, autour de 42, l'idée de la science ouverte. Donc l'idée que, normalement, pour favoriser l'accroissement des connaissances, pour favoriser l'avancement de la science, eh bien, faudrait amener les scientifiques, faudrait amener les découvertes à être libres de droit. Ouais. Pour pouvoir ensuite tout le monde construire sur un savoir commun. Et dès qu'on met dans le fond une idée de propriété, ben on limite évidemment la rapidité de croissance parce que justement on limite l'usage des nouvelles connaissances qui sont acquises. Mais finalement le côté financier d'une découverte vient un peu freindre tout ça. Là. Exactement. Et c'est un peu le même principe avec les données. Donc finalement on a pris un peu ce principe-là lié à la science ouverte, à Open Innovation, et on l'a appliqué aux données publiques. Donc dans l'idée que c'est des données qui sont disponibles. Donc, normalement, en fait, c'est des données pour lesquelles il y a déjà eu de l'argent investi, de l'argent pour les citoyens. Alors, il y a comme une suite logique à l'idée de les rendre disponibles. Donc, c'est venu un peu l'idée scientifique au départ. Donc, une rencontre qui se met aussi un peu à côté de ce qu'on appelle l'open source, le logiciel libre, où là, c'est le code de l'application, le code programme qui est rendu disponible, sur lequel tout le monde peut un peu travailler. Donc, c'est vraiment une tendance assez élargie. Donc, la tendance à l'ouverture, la tendance à l'innovation libre, la tendance à la co-création. Donc, une tendance qui, tranquillement, avec l'avènement du web, a pu permettre de prendre des assises peut-être un peu plus solides parce que, justement, le web donne des possibilités plus larges de collaboration, de co-création, etc. Mais sans entrer là, dans la psychologie non plus des données ouvertes, on sait qu'on parle beaucoup d'une société qui est individualiste présentement. Donc, si j'ai une idée, je fais quelque chose, je veux être connu pour, je veux avoir de l'argent pour. Les données ouvertes, c'est un peu le contraire. Donc, tout le monde y a accès, on peut faire quelque chose, on n'est pas nécessairement reconnu, mais au final, c'est pour le bien collectif. Et il y a beaucoup d'exemples de collaboration comme ça, quand même, sur le web. Donc, on pense à des outils comme Mozilla Firefox, qu'on pense à le logiciel Apache, qui héberge la majorité des sites web, qu'on pense à Wikipédia, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de collaborations, ce qu'on appelle open source, qui sont identifiées, qui fonctionnent, qui marchent bien. Et en 2007, il y a des penseurs et activistes d'Internet qui ont fait un sommet à Sébastopol, au nord de San Francisco, aux États-Unis, pour définir le concept de données publiques ouvertes pour aussi les faire adopter par les candidats à l'élection présidentielle américaine à l'époque. Alors, on parle justement de la licence Creative Commons. Eh bien, elle aurait été mise en place, du moins avant, bon, pour réfléchir avant, mais répandu peut-être de manière un peu plus large à ce moment-là. On parle donc d'activistes, d'entrepreneurs qui utilisaient déjà les données publiques, qui s'étaient donné rendez-vous à cet endroit-là pour faciliter peut-être un peu donc le type d'outils qu'ils essayaient de mettre de l'avant. Donc on parle des gens qui avaient créé par exemple des services comme Everyblock, comme Fix My Street, les flux RSS aussi. Donc des éléments comme ça qui effectivement rentrent aussi dans le type de données qui peuvent générer le big et l'open data. Alors, c'est là qu'on a défini donc les principes des données publiques. Donc, on parle des manières de faire qui portent principalement sur le partage et l'utilisation du bien commun qui sont inspirées de la démarche et des pratiques de l'open source, comme je le disais. Donc, ouverture, participation, collaboration. C'est vraiment les trois seuls principes au cœur un peu de ça. Et ensuite, donc, à partir de ce sommet-là, ben, on a réussi à convaincre, justement, les candidats, du moins, minimalement, M. Obama, qui a pris ses fonctions à la Maison-Blanche, qui a signé, au fil des dernières années, 3 mémorandums présidentiels. Il y en avait 2 qui concernaient le gouvernement ouvert, dont l'open data, dont les données ouvertes sont l'un des piliers. Et les mémos du président plaçaient explicitement l'action publique sous le signe de la culture de l'open source, en se réclamant de ses principes, donc transparence, participation, collaboration. Donc ça, c'est quand même pas rien. Évidemment, c'est des lois qui sont venues, comme je le disais, avaliser peut-être un peu l'intérêt de ce mouvement-là et donner le ton pour la suite des choses. Après ça, ben, il y a eu évidemment, et avant, il y a eu des villes qui les avaient libérées, il y a d'autres villes qui les ont libérées, mais subitement, on avait donc quand même une des grandes puissances qui disait, ben oui, nous aussi, on suit ce mouvement-là. Il y avait l'Angleterre qui était déjà bien implantée aussi dans la libération des données, et tranquillement, ben tout le monde rentre dans ce train-là. Et donc, ce qui fait que ça a changé un peu la donne dans le développement de ce qu'on appelle la donnée publique. Ça a permis à la donnée publique d'être définie par la loi. Donc, on sait qu'elle concerne les acteurs publics ou privés qui interviennent dans le cadre d'une mission ou d'un service public. On parle aussi pas seulement des gouvernements et des collectivités. On peut penser à un opérateur de transport qui exploite des lignes de métro pour le compte d'une collectivité qui est touchée aussi par ce qu'on détermine comme les données ouvertes. Et à travers ça, ben, on essaie aussi de créer un renversement. Donc, l'idée, c'est que l'information, au départ, quand elle est obtenue, doit devenir publique d'emblée avant d'être donnée à un tiers. Donc, elle est donnée à la population et ensuite, elle est donnée à un tiers pour la gérer, pour faire quelque chose peut-être avec. Mais d'abord et avant tout, elle est colligée pour le bénéfice de l'ensemble des gens qui habitent un territoire donné. Donc, ce qui est quand même pas rien côté renversement de logique. Et évidemment, tout ça nécessite aussi un lâcher prise pour pouvoir permettre l'exploitation, l'exploration de ces données-là. Mais il doit y avoir quand même beaucoup d'inquiétudes de gouvernement ou de quelconque appareil à se dire, bon, d'accord, on a toutes ces données-là, maintenant on va les offrir à tout le monde, finalement. Il doit quand même avoir une petite inquiétude avant de se lancer là-dedans, mais on voit que ça fonctionne et que ça devient de plus en plus populaire. On voit que ça fonctionne et que ça devient de plus en plus populaire, mais évidemment, ça prend du temps aussi pour rendre public ces données-là, dans la mesure où, comme tu le disais, il y a des préoccupations. Il y a des jeux de données où ça paraît clair, en fait, qu'il n'y a pas de risque. Quand on décide de rendre disponible, par exemple, un registre des bornes fontaines, un registre des activités culturelles, des horaires d'autobus, eh ben c'est de l'information... Bon, à la limite, on pourrait se questionner à savoir est-ce que bon, c'est vraiment essentiel à la démocratie d'avoir ces informations-là. Bon, c'est pas ce qui va faire marcher le gouvernement non plus, mais c'est ce qui est le plus facile juridiquement à rendre disponible rapidement. Ensuite, pour la balance, quand on tombe à une information qui est peut-être un peu plus sensible, quand on parle à d'informations qui représentent peut-être un plus fort impact social, sociétal, eh bien, dans ce cas-ci, effectivement, il peut avoir une volonté de les ouvrir, mais il faut les analyser. Il faut essayer d'évaluer les impacts néfastes, peut-être, liés à l'ouverture de ces données-là. On peut penser, par exemple, à des données de santé. Eh bien, évidemment, il y a un intérêt fort à rendre public ce type de données-là, à favoriser les croisements qu'on peut faire avec ce type de jeu de données-là. Mais, inversement, il y a quand même d'autres types de préoccupations. Ça peut rentrer aussi dans l'information stratégique. Il y a aussi tous les défis techniques, dans la mesure où il y a certaines données qui sont déjà facilement en format où on peut les rendre disponibles et utilisables, mais il y en a d'autres où c'est quand même pas nécessairement facile de faire le transfert. Alors, c'est pour ça que, pour l'instant, on a peut-être, dans certains cas, des données qui sont... disons plus communes qui sont rendues publiques, mais normalement quand le mouvement est enclenché, c'est parce qu'il y a volonté. Et si on pense à une ville comme New York qui en est arrivée à 1100 jeux de données, ben c'est qu'à un moment donné aussi ils ont fait des évaluations et ils ont en fonction de différents critères choisi que certaines données répondaient dans le fond aux exigences liées au public, qu'il n'y avait pas de risque négatif important en lié à l'idée de rendre public ces données là donc on a fait le pas supplémentaire. Et ensuite, ben, ça peut avoir des résultats quand même assez intéressants. Et je conclurai peut-être avec juste un petit exemple, en fait. On se transporte au Kenya. Ils ont créé une plateforme Open Data. Si les gens veulent aller la voir, c'est opendata.go.ke. Et notamment, il y a quelqu'un qui analysait les résultats scolaires par école, qui étaient rendus publics, donc les moyennes, en fait. Et ensuite, elle a décidé de faire des examens pour voir s'il y avait des explications dans les jeux de données qui pouvaient... permettre de comprendre pourquoi il y avait une disparité entre les moyennes obtenues dans les écoles. Donc, elle s'est mise à voir, c'était quoi, les dépenses qui étaient faites liées aux infrastructures d'éducation. Et là, en constatant certaines disparités, elle a été voir les dépenses à l'intérieur de ça qui étaient faites. Donc, qu'est-ce qu'on achetait? Et finalement, elle s'est intéressée au cas des d'hygiène, donc des salles de bain, des toilettes. Et elle s'est rendue compte que dans les écoles où il y avait les plus basses notes, il y avait les plus hauts degrés d'infection au niveau santé parce qu'il y avait moins de toilettes. Et donc, si on construisait des tablettes, des toilettes dans chaque école, eh bien, il y avait des meilleures notes. Et donc, ensuite, elle avait des données croisées, claires, nettes et précises qui ont pu amorcer une action politique. Donc, ça semble de base, ça semble parfaitement logique, mais sans l'accès aux données... On n'aurait pas su. Alors, c'est le genre d'usage où on rentre peut-être un peu moins dans le pratico-pratique de où on a des horaires, des accès, des informations qui sont très utiles, mais dans un cas où on peut utiliser ces jeux de données-là dans le cadre de démarches citoyennes ou parallèlement de démarches scientifiques et autres qui peuvent aussi être extrêmement intéressants. Raymond Poirier, on est encore une fois éclairé sur les données ouvertes et ça nous donne envie d'ailleurs d'aller voir qu'est-ce qui est disponible pour la ville de Québec. Pour ceux qui veulent réentendre cette chronique, elle se retrouve sur le site de l'ITIS. Oui, itis.ulaval.ca. Merci beaucoup Raymond, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique TI. Raymond Poirier qui est chargé de communication à l'ITIS.